Géraldine Mosna-Savoie, dans votre carnet de philosophie pour cette matinale et journée spéciale de l'éducation, vous revenez sur l'un des grands textes de philosophie sur l'éducation, bien entendu. Il y a quelques mois, alors que ma fille faisait ses premiers pas à l'école, en petite section donc, j'avais parlé à ce même micro de ce concept devenu une sorte de mantra dans le monde de l'éducation, en tout cas l'éducation nationale. L'autonomie. J'avais été frappée par ce mot que de la direction aux instituteurs de l'école, on nous avait rabâché à nous, parents. Bêtement, j'étais alors revenue aux sources du concept en citant Emmanuel Kant, soit le fait de se donner à soi-même sa propre loi, alors que tout était en fait chez Hannah Arendt, grande lectrice de Kant, par ailleurs. Et voici ce qu'elle en dit dans son texte, La crise de l'éducation, texte qui tombe à pic, je crois, pour cette journée internationale. Affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'est pas libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. J'étais joie, Chloé, de trouver chez Arendt ce qui me tracassait donc avec cette autonomie que les enfants étaient censés acquérir ou même détenir dès leur entrée à l'école. Ce paradoxe selon lequel, en les affranchissant, on ne les libérait pas, mais on les abandonnait. Ce qui, loin de m'apaiser, a soulevé en fait cet autre problème. Mais si l'éducation, en affranchissant, abandonne, peut-elle encore libérer ? Peut-être avez-vous trouvé, Géraldine, la solution à votre problème dans la suite du texte d'Hannah Arendt ? Alors justement, Chloé, c'est là où ça se complique, vous l'avez entendu, avec l'autonomie. Affranchi de l'autorité des adultes, nous dit Arendt, c'est important, affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'est pas libéré. Ce qui laisse penser que pour elle, et à l'inverse, elle le soutient d'ailleurs, l'éducation se doit d'être incarnée par une autorité, la figure du maître. Autorité et pas autoritaire. La nuance est importante car pour Arendt, celui qui est autoritaire a remplacé son pouvoir par la force, alors que celui qui a de l'autorité a du pouvoir sans avoir recours à la force. Ce qui veut bien dire, et ça n'est pas du tout anecdotique, que tout en défendant une vision conservatrice de l'éducation, fondée sur l'autorité maître-élève, Arendt promeut un certain modèle de transmission. D'aucuns diront daté, d'autres diront avec nostalgie que c'était mieux comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a en tête une vision non moins paradoxale de l'éducation, libérée en établissant pourtant un rapport, même s'il n'est pas autoritaire, un rapport de soumission. Bref, vous n'avez pas trouvé la paix en lisant Hannah Arendt pour résoudre votre problème d'autonomie. Eh bien pas du tout, Chloé, car tout semble divisé en deux modèles bien opposés, l'autonomie qui affranchit mais abandonne à la tyrannie, ou l'autorité qui n'abandonne pas mais obscurcit, je crois quand même, les conditions d'affranchissement d'un individu. Reste donc, vous l'avez compris, dans les deux cas, le problème de la soumission. Récemment, je me suis pourtant souvenu que pour réussir une dissertation de philo, ça faisait toujours bien de convoquer ce grand concept d'éducation. Plus que bien, c'était, semble-t-il, la seule solution valable à toute réflexion sur l'émancipation, la démocratie, la volonté générale ou autre. Mais quoi dire précisément de la forme que doit prendre cette formation et de sa part nécessaire de soumission ? Les limites du concept d'éducation sont là. Vouloir déterminer a priori, et là aussi c'est important, a priori, la part de soumission légitime revient à considérablement oublier les conditions très concrètes et les moyens très restreints des institutions éducatives. Pourquoi veut-on que ma fille soit autonome à 3 ans ? Ma théorie, eh bien tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule institutrice pour une classe de 30 élèves.